Choses de l'esprit sur la peau des vagues. On en verra d'abolition. N'en pas douter de la création. Création, expansion, compression. Puis un nouveau cycle de création voit le jour. L'univers passe par ses détours, l'énergie. Matière est éternelle, elle n'est pas fiction. Tout est qui est aussi énergie et rivière des songes de l'univers divers, flots de rêves jamais ne s'achèvent.